Ce qu'il faut penser du suffrage universel par Émile Zola. Nous voici en pleine période électorale et la grande comédie moderne recommence une fois encore. Molière, aujourd'hui, étudierait là les appétits et la sottise des hommes. C'est une rage universelle, c'est un étalage de toutes les médiocrités, c'est la bête humaine lâchée avec ses vanités et ses misères. Au XXe siècle, le résultat pourrait être superbe, mais à cette heure, la cuisine en est des moins ragoûtantes. J'ai ri dans mon coin du soulèvement des hommes politiques et de la presse, quand on leur a signifié qu'ils auraient seulement trois pauvres petites semaines d'agitation électorale. Ils ont parlé furieusement de guet-apens, de mauvaise foi, et le mot d'escamotage a couru. Oui, le gouvernement malhonnête leur escamotait leur jouissance, leur enlevait de la bouche le pain du désordre. Pensez donc, rien que trois semaines, à écrire des professions de foi imbéciles et incorrectes, à endoctriner de pauvres diables qui se vendent pour un verre de vin, à emplir la presse d'un tas effroyable de prose dont on ne pourra même pas faire du fumier, à tenir le pays dans un malaise intolérable d'où la nation sort, les yeux battus et la tête vide, comme après une nuit d'ivresse. Mais c'est une mesure inique, cela ne se peut supporter. Il fallait trois mois de cette gourmandise, il fallait toute la vie. Ah, toute la vie, ce sera le rêve. Des élections continues, des députés nommés pour un jour, siégeant le matin et se représentant le soir devant les électeurs. Plus rien que de la politique, au déjeuner et au dîner, au lit comme à la table. Une nation qui mangerait des journaux au lieu de pain, qui en serait réduite à faire la chaîne pour déposer des bulletins dans les urnes sans avoir même le temps de se moucher. Le fait est simple. Dans leur boutique, les bouchers poussent à la consommation de la viande. Du moment que la politique est devenue une carrière, le refuge naturel des ambitions souffrantes, des petits hommes qui ont échoué partout ailleurs, il est naturel que ces hommes nous accablent de politique. C'est le combat pour la vie. Que deviendraient, par exemple, M. Floquet ou M. Ranke ou les autres, si du jour au lendemain, la France qu'ils ennuient leur supprimait leur bachalet? Des avocats sans talent, des romanciers de dixième ordre, des passants inconnus sur le trottoir banal. En avant donc la politique, de la politique partout, de la politique toujours. Plus l'eau est trouble, plus la pêche est abondante. On met la bêtise publique en coupe réglée, et l'on pousse un cri de douleur et de rage lorsqu'on vous accorde seulement 20 et quelques jours pour l'exploiter en grand. Moi, qui ne suis pas de la boutique, je trouve que ces 3 semaines sont d'un joli poids pour les garçons de quelque littérature sensibles à la bonne tenue intellectuelle de leurs contemporains. Le mieux est de ne plus lire un journal, car les journaux, ravis de l'aubaine, dans ce mois d'août si vide d'habitude, si difficile à passer, abusent certainement de la matière électorale. Il se rattrape de la brièveté du temps sur la quantité de prose indigeste. 3 jours, il me semble, auraient suffi. Le premier, pour avertir le pays, le second, pour qu'il réfléchisse, et le troisième, pour qu'il vote. S'il ne sait pas en un jour ce qu'il doit faire, il ne le saura jamais. J'ai comme une idée qu'un jour suffirait aux électeurs pour bien voter, mais que 3 semaines ne suffisent pas aux hommes politiques pour faire voter les électeurs à leur guise. La question pratique du suffrage universel est là. Certes, le principe du suffrage universel paraît inattaquable. C'est le seul outil de gouvernement d'une logique absolue. Imaginez une nation dont tous les citoyens sont également sages et instruits. Ils se réunissent tous les 3 ou 4 ans, délèguent le pouvoir à ceux d'entre eux qu'ils savent les plus capables de l'exercer. Rien de plus net en théorie, rien de plus humainement juste. Mais le fâcheux est que la théorie se détraque, dès que l'on passe à l'application. Un peuple n'est pas une addition dont tous les chiffres se valent. Dès lors, en donnant la même valeur à chaque citoyen, on introduit dans le total des causes d'erreurs énormes qui vicient l'opération tout entière. En un mot, du moment que les hommes interviennent avec leurs folies et leurs infirmités, la logique mathématique du suffrage universel est détruite. Il ne reste qu'un gâchis abominable. Ce n'est plus de la science, c'est de l'empirisme, et du plus trouble, du plus dangereux. Voilà pourquoi tous les esprits scientifiques de ce siècle se sont montrés pleins d'hésitation et de défiance devant le suffrage universel. Je parle de nos philosophes, de nos savants, de ceux qui procèdent par l'observation et l'expérimentation. Ils refusent l'absolu, ils étudient l'homme en dehors des dogmes, et ils trouvent que l'égalité physiologique n'existe pas, qu'un homme n'en vaut pas un autre, qu'il y a une élimination continue et nécessaire de presque toute une moitié de l'humanité, si bien que le suffrage universel n'est plus une réalité basée sur le vrai, mais qu'il devient une idéalité s'appuyant sur la conception religieuse d'une égalité des âmes. Nos terribles intransigeants, nos athées, se doutent-ils qu'ils sont de simples catholiques lorsqu'ils appellent au scrutin jusqu'aux idiots et aux goitreux? Voyez Littré, voyez Taine et Renan, voyez tous ceux qui ont tenté d'appliquer la formule moderne de nos sciences à la politique. Ils reculent à l'idée de remettre le gouvernement aux mains de la nation tout entière, parce que les éléments ne leur paraissent pas assez déterminés, parce que l'observation et l'expérience leur ont montré les inégalités que le travail de sélection produit dans chaque peuple, parce qu'enfin, ils refusent de se lancer dans un empirisme qui va droit au charlatanisme des médiocres et des ambitieux. Voilà ce qu'il faut nettement établir. Le suffrage universel n'a rien encore de scientifique, il est tout empirique. Avec la masse considérable de nos électeurs illettrés, avec les honteux trafics sur la coquinerie des uns et la bêtise des autres, on ne peut savoir ce qui sortira du scrutin. Le total de l'opération est quand même falsifié. Jamais le vrai ne sera obtenu, parce qu'il est le vrai. Les candidats qui méritent d'être élus en sont réduits à descendre aux mêmes manœuvres louches que les candidats qui n'ont aucune raison pour l'être. En un mot, le principe superbe de la souveraineté du peuple disparaît. Il ne reste que la cuisine malpropre d'un tas de gaillards qui se servent du suffrage universel pour se partager le pays comme on sert d'un couteau pour découper un poulet. Et ce qui prouve combien le suffrage universel est un outil peu connu, que personne n'a complètement en sa main et que tout le monde voudrait faire sien, c'est la terrible lutte qui a eu lieu naguère au sujet du scrutin d'arrondissement et du scrutin de liste. En réunissant les arguments qu'on s'est lancés à la tête de part et d'autre, on obtiendrait le réquisitoire le plus écrasant qu'on ait jamais écrit contre le suffrage universel. D'une part, le scrutin d'arrondissement, avec ses bourgs pourris, ses achats de conscience, la pression des grands propriétaires sur les communes conquises. De l'autre, le scrutin de liste, substituant des comités aux électeurs, imposant des candidats inconnus, introduisant une élection à 2 degrés déguisée, et n'étant au fond que la négation du suffrage universel lui-même. Dès lors, les observateurs, les penseurs, ne peuvent que hausser les épaules devant une machine d'un mécanisme si défectueux, et sur le fonctionnement de laquelle personne ne s'entend. Elle est sans doute un outil politique nécessaire, mais nous attendrons que l'usage la règle et lui donne un caractère scientifique avant de la déclarer le véritable régulateur des nations modernes. Ah, je la hais, cette politique. Je la hais pour le tapage vide dont elle nous assourdit et pour les petits hommes qu'elle nous impose. Vous allez voir, quoi qu'il arrive, quelle pauvre chambre elle nous enverra. C'est comme une écume d'ignorance et de vanité que le suffrage universel pousse dans Paris. Pantin d'un jour, illustres inconnus retombant dans le néant, plein ambitieux venant faire le jeu du plus fort et se contentant de nos arrangés, cerveaux malades rêvant de venger leurs continuels échecs, tous les appétits déréglés et toutes les sottises lâchées. Lorsqu'un homme simplement raisonnable passe et qu'il jette un regard sur ce grouillement qui fermente, il s'arrête, stupéfait et navré. Quoi ? Est-ce possible ? Est-ce donc la France qui est là ? Non, la France est ailleurs. Elle n'est pas avec la vermine qui la dévore. Elle est avec ceux de ses enfants qui pensent et qui travaillent. C'était ce qu'il faut penser du suffrage universel par Émile Zola.